Le 26 juillet 1864, par une forte brise du nord-est, un magnifique yacht évoluait à toute vapeur sur le flot du canal du Nord. Ce yacht, le Duncan, appartenait à Lord Glenarvan, l'un des 16 pairs écossais qui siègent à la chambre haute. Lord Glenarvan se trouvait à bord avec sa jeune femme, Lady Helena, et l'un de ses cousins, le major McNabbs. Le Duncan, nouvellement construit, était venu faire ses essais à quelques milles au dehors du golfe de la Clyde et cherchait à rentrer à Glasgow, car le matelot de vigie signala un énorme poisson. Le capitaine, John Mangles, fit aussitôt prévenir Lord Edward de cette rencontre. « C'est un requin, » dit John Mangles. « Un requin dans ces parages ?» s'écria Glenarvan. « Cela n'est pas douteux, » reprit le capitaine. « C'est le Balance Fitch. Si votre honneur y consent, nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. » La mer était magnifique. On pouvait facilement suivre à sa surface les rapides évolutions du squale. On voyait ces nageoires grises à leur extrémité, noires à leur base, battre les fleuves avec violence, tandis que son appendice caudal le maintenait dans une ligne rigoureusement droite. À mesure qu'il s'avançait, ses gros yeux saillants apparaissaient enflammés par la convoitise, et ses mâchoires béantes, lorsqu'il se retournait, découvraient une quadruple rangée de dents. Sa tête était large et disposée comme un double marteau au bout d'un manche. John Mangles n'avait pu s'y tromper. C'était là le plus vorace échantillon de la famille des squales, le poisson balance des Anglais.